Et on est allé sur la page Facebook, puis il n'y avait pas grand monde. Là, faut pas que ça soit un échec. Là. C'est mercredi soir, c'est demain soir. Je sais, vous travaillez, tout ça, etc. Ça coûte... Sérieux, là, il faut se ramasser une gang, il faut que ça soit plein. On n'a pas le choix, là. Parce que là, on va avoir la fou. Je suis très confiant, là. Faut être là. J'y vais. Là, j'ai Yves. Oui. Moi. Autour de la table. Sérieux, là, venez faire un tour, là. Il faut... On va y penser. 670-9330, studio à commercial fm93.com. Envoyez-moi un petit courriel, ceux qui vont être là. Je vais passer le chercher, Andréane. Je le sais que c'est pas... J'ai une date, ça. Je le sais que c'est pas évident. Regarde, moi, j'appuie leur affaire à 100%, mais j'étais même pas sûr d'y aller parce que la semaine, je sors pas. OK? Jamais de ça. Mais là, m'a faire un effort, je vous le demande. Si vous êtes comme moi un peu allergique à la petite clique à Nadeau-Dubois puis à sa gang de bien-pensants qui ont raison sur tout, pis sont, vous êtes un peu écœurés de tout ça, les chouchous, les bébés gâtés, puis il y en a en masse qui m'écrivent, des fois on serait prêt à descendre dans la rue, mais là c'est bien moins compliqué. Là. Venez faire un tour, une demi-heure, une heure, un acte de présence, au moins, à l'Ozone sur Grand Ballet, mercredi soir. Au moins. Ça coûte pas cher, là. C'est combien? Hein? Personne peut me dire ça. Ouais, mais ça coûte... C'est 10$ ouais, étudiant, 20$ par adulte. 20$. Yeah. Si vous l'avez pas, là, pas pire chum, là, OK? C'est pas grave. Ceux qui me répondent, on n'a pas un moyen, Butch, pas de trop. On n'en veut pas, 5 000, là. Il y en a-tu qui ont un petit 20 à mettre ou 10$ étudiant pour être là à l'Ozon? Faut le mettre d'en face. Faut le mettre d'un dent. Faut que ça soit plein de monde. C'est ça qu'on est. On est des cols rouges. On se lève le matin, on travaille fort. Je sais qu'on n'a pas le temps de faire des manifs à tous les soirs, brasser de la marde comme eux autres, parfois même illégales. Eux ont été applaudis, encensés. Laissons-les là-dedans, puis faisons nos affaires à nous autres. On s'en va en Cour suprême. Si jamais Maurras réussit à gagner contre Nadeau-Dubois, puis est condamné, ben ça sera en partie. Pourrait dire, regarde, on a fait notre petite part. Pis en passant, si on perd en Cour suprême, là, dossier fini. Ça veut dire que Nadeau-Dubois avait le droit de faire ça, puis on va prendre terminé, là. C'est le mec, ça marche dans la société. Moi, je sais pas, là. On me glisse à l'oreille que si c'est pas 20$, on va accepter 10$ au cocktail de financement. Là. Ah ouais? Ceux qui veulent donner, venez donner. Puis il y a déjà des gens qui nous écrivent sur le studio. Ah, ça m'en prend, là. Encouragez-moi, là. Je veux pas être tout seul, là. Venez avec moi, là. On va avoir du fun, là. En passant, là. Eric va être là. Nathalie, moi, Yves. Yes. Surprise dans la soirée. Je sais qu'on n'a pas souvent d'occasion de se voir. Faut que ça soit full. Au rabord. Okay? David, te partage. J'ai dit, Butch, côté visibilité sur Nadeau-Dubois en fin de semaine, il a passé à l'émission Tout sur moi, avec France Beaudoin. En fait, c'est une émission... Dis-moi tout. OK. Alors, dis-moi tout. Une émission, donc, jeunesse, où les enfants posent des questions à l'invité, comme pour mieux comprendre son chemin de réussite et les raisons de son succès. Des flots du primaire. Ouais. Ouais, t'as une centaine d'enfants du primaire qui sont réunis puis ils reçoivent un invité chaque semaine. Puis ce sont les enfants donc qui ont été initiés au sujet, qui posent des questions. Je suis tombée sur l'émission vite hier. Là. Le gars qui a eu toutes les misères du monde à condamner la violence pendant le printemps érable. Ce gars-là. Ben écoute, il le présente pas comme ça là. Tu pourrais bien te l'imaginer. Ah ben non, L'idole du peuple là, oui. Voyons donc. Mais il y avait des enfants qui portaient le carré rouge dans la salle. Oh. Pas la majorité, mais il y en avait quelques-uns. Et il y a une petite fille qui a posé une question à Nadeau-Dubois qui lui demandait s'il connaissait sa droite et sa gauche par cœur. C'est une question d'enfant de 6 ans à peu près. Et qui portait le carré rouge. Et France Beaudoin lui a demandé si ça avait été son choix de porter le carré rouge. Et elle a dit oui. Ah oui, sûrement. Il est également... Mathieu Boivin est avec nous. Bon matin. Salut. Il est aussi de retour. On en a déjà parlé l'an passé. Fait que c'est un peu une prise 2. C'est un peu une reprise, ça, là. Mais fait que j'en ferai pas un gros plat. Mais sachez que malgré la controverse, il y a des étudiants qui aimaient pas ça au cégep, avoir comme lecture obligatoire Gabriel Nadeau-Dubois. He strikes back. Il est de retour. Ben oui, on en avait parlé au printemps dernier. Le livre Tenir tête que Gabriel Nadeau-Dubois a signé justement après le printemps érable 2012. C'est un livre d'abord qui s'est très, très bien vendu. On s'entend, c'est un best-seller, mais ça avait été aussi dénoncé par un étudiant du campus Charlebourg du cégep Limoilou, qui disait, écoute, moi, on m'oblige à lire ce livre-là, à l'acheter, et à en faire l'analyse dans mon cours de français, ça fait pas mon affaire. Effectivement, on en avait parlé ici au 93. Ouais. Le cégep Limoilou avait dit, ben écoutez, non, c'est un livre qui est à l'étude dans le cadre d'un cours d'analyse du discours et de l'argumentaire, c'est très bien, le prof a le droit de le faire. L'histoire en était restée là. Et on a un auditeur qui nous a dit, attention, c'est pas seulement au cégep Limoilou. Ici, au cégep Garneau, donc cet auditeur-là étudie au cégep Garneau, c'est aussi le cas dans un cours. Il dit, heureusement, moi, je ne l'ai pas, mais je sais que ce cours-là existe où on demande aux étudiants d'acheter et d'analyser Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai fait la vérification, effectivement, à Garneau, dans le cours de français de deuxième année, culture et communication. 35 à 40 étudiants sont tenus d'acheter, c'est prévu au programme, Tenir tête de Gabriel Nadeau-Dubois et d'en faire l'analyse. J'ai demandé à la directrice des communications du Cégep, Mme Sylvie Fortin, compte tenu de la poussière que ça avait levée au Cégep Limoilou, est-ce que vous voulez faire des commentaires là-dessus? Mme Fortin, en l'espèce, m'a dit ceci. C'est un cours qui porte sur l'argumentaire. Les profs sont libres de choisir les œuvres qui leur semblent pertinentes à l'atteinte de l'objectif pédagogique du cours, qui est de reconnaître, évaluer et produire un discours argumentaire. Ce n'est pas un endossement des thèses de M. Nadeau-Dubois, et Mme Fortin a ajouté. D'ailleurs, son livre n'est pas à l'index, que je sache. Non, effectivement, en passant, moi je suis pour la liberté d'expression. Nadeau-Dubois a le droit d'écrire. À la limite, est-ce qu'un prof peut suggérer son livre? Oui, mais pourquoi pas, de temps en temps, varier avec un livre de droit? Alain Dubuc a écrit un livre, il n'y a pas longtemps, avec des arguments. Joseph Facal aussi, puis Joanne Marcotte aussi, puis Éric Duhem en a deux, trois aussi. Imaginez qu'un prof de cégep, j'espère, si vous me dites qu'un prof de cégep met comme lecture obligatoire un livre de Duhem, Facal, Marcotte, Dubuc, et qu'il n'y a aucune controverse, puis qu'il y en a, puis ça existe, vous m'appelez, vous dites, oh oui, Butch, regarde, Nadeau-Dubois, là, ferme ta gueule avec ça. Moi, je suis dans tel cégep, puis nous autres, c'est Joanne Marcotte. Fait que c'est des arguments, c'est de droite, mais ça endosse pas le contenu. Puis on étudie ça, c'est sûr que c'est bon pour elle, ça fait des bandes. Puis en quelque part, ben ça nous expose à ses arguments, mais la réponse, je pense, c'est non. Regarde, Limoilou, comme par hasard, là, tu nous fais... Il y a pas de complot, là, mais il y avait un livre à choisir d'argumentaire, un livre, donc, d'opinion. Puis à Limoilou, ça a été Nadeau-Dubois. Et comme par hasard, à Garneau, ça a été exactement le même choix. Les deux ont suggéré Nadeau-Dubois. J'ai beaucoup de... Mais il n'y a pas de brainwashage, il n'y a pas de lavage de cerveau, partout. J'ai beaucoup de gens qui interviennent, qui disent ne pas pouvoir être là, mais vouloir encourager. De quelle façon peuvent-ils le faire? Jean-François Maurras, ça, oui. Ouais. Je pense qu'il y a une plateforme web. Ouais. Oui, est-ce que c'est pas la Fondation 1625? Parce qu'il y a une chose qu'il faut dire. Oui, c'est ça. Oui. Dans le dossier de M. Maurras, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de la fameuse liberté d'expression de Gabriel Nadeau-Dubois qui disait vous avez le droit d'empêcher les étudiants de rentrer dans leur cours, même s'il y aurait le droit pour eux d'aller y assister. C'est ça qui se rend en cours et qui pourrait éventuellement se rendre en Cour suprême. Mais à côté de ça, M. Maurras et ses amis veulent essayer de casser, entre guillemets, la formule RAND, qui fait en sorte que des étudiants à l'université, on leur demande pas oui ou non, on leur prélève des sous pour financer l'association étudiante. Et M. Maurras et ses amis disent, les associations étudiantes, c'est pas des modèles de démocratie. Notre ami Pat Bégin de l'émission du midi a peut-être des détails, ceux qui peuvent pas venir demain soir au cocktail. Fondation1625.com. That's it. Okay. Fondation1625.com, on peut faire des dons tout simplement via un système PayPal, j'imagine, ou un système de ce genre. Puis j'aime beaucoup ton intervention de ce matin, Sylvain. Je trouve que c'est bien parce que on montre qu'on se tient. Mais l'objectif principal, c'est d'atteindre les 30 000 $ que ce gars-là a besoin. Même si on était 25 demain, si dans deux semaines, on a atteint le 30 000 $, on a atteint notre objectif? Oui. Parce que ça a fait jaser, parce que les gens ont fait des dons sans être peut-être présents directement. Mais on va être plus que 30 $. Ah, c'est sûr et certain. Mais non, attends, là. J'ai un groupe de 6. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Il y en a plusieurs qui nous demandent l'adresse, donc le pub Lozone. On va donner ça avec Pat, là. Regarde, c'est pas compliqué. Lozone, sur Grand Allée, est en face du Concorde. Voilà. 570 Grand Allée Est, ça commence à 18 h. OK, 18h demain au pub Lozone sur Grand Allée, c'est du côté du Dagobert là, mais juste en face un peu là du Concorde, c'est dans ce secteur-là, vous pouvez pas le manquer. Cocktail, ça veut dire on prend un petit verre, c'est bien. Mettons, t'en prends un, puis il y en a un autre qui vient avec. Là. Ouais, en tout cas. C'est 20 $, mais là, vous avez dit si. Un peu comme dans les musées. Moi, en passant, ce que je trouve ça fascinant aux États-Unis, hein. Quand tu vas dans n'importe quel musée, il y a tout le temps un coût. Mais là, la fille, elle dit, ça coûte tant, mais tu donnes ce que tu veux. Parce que, comprends bien, là, on vous demande 20 piastres. On met le prix à 20. Oui. Mais ce que j'ai bien compris, c'est que la personne qui rentre là, qui a dit, garde, c'est 20, mais moi, j'ai juste un 10 à donner, à rendre pareil. C'est sûr. Ça, là. C'est sûr et certain. Bon, j'adore ça. Puis, avoir des petites bouchées aussi. Ah, OK. Oui. Ouais. Fait que, go. On venez faire un tour là. Il y a rien. On barrera pas de rue. Il y a aucune rue barrée. Ça va circuler sur Grande Allée. Non, ça va être fluide. L'anti-émeute peut rester à la maison. L'anti-émeute peut rester à la maison. Il n'y aura aucun coût. Hey, t'imagines-tu le printemps érable, comment ça nous a coûté? Ah! Nous autres, ça coûte rien, là. On a pris l'ozone, petite bouchée, un petit verre, donné 20 piastres, et on encourage ce que j'appelle la démocratie étudiante, la liberté pour ceux qui veulent étudier de le faire. C'est ça, les enjeux. Mathieu les a rappelés. On se donne rendez-vous là demain, 8h29.